et ils seront les premières têtes d'affiche du festival Rock en Seine le 28 août au domaine de Saint-Cloud à Paris. Les Oasis à l'instant sur Radio Zinzine avec leur tube Interplanétaire Supersonique. Vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Zinzinex Ensemble et c'est l'heure de votre rendez-vous avec le Rock Express. Rock Express. L'actu du rock régional. Et oui, à l'instant, donc le jingle qui annonçait le meilleur du rock indépendant avec ce soir une émission spéciale Rock en Seine, car comme vous le savez, l'équipe de This is Rock'n'Roll et nous-mêmes couvrirons l'intégralité de ce festival qui se déroule du 28 au 30 août à Paris. Et cette année, les programmateurs ont mis les bouchées doubles afin de nous concocter un festival de folie avec en tête d'affiche Oasis, comme on l'a vu le vendredi 28, les Faith No More et Offspring le samedi, Klaxons, MGMT et The Prodigy le dimanche. Mais outre ces groupes connus, il y aura aussi toute une flopée d'autres qui sont moins connus mais tout aussi talentueux, comme par exemple Birdie Nam Nam, Maness, Just Jack, Vitalik et, pour le plus grand bonheur de Pascal, Slimy. Et c'est pour ça que nous avons décidé de mettre l'accent sur ces groupes et vous les faire découvrir ou bien redécouvrir. Mais évidemment, vous aurez toutes les chroniques habituelles comme la chronique concert de Claire, des news et toujours que du bon son. Et le bon son démarre tout de suite avec sur scène le vendredi un groupe qui s'appelle Keane et qui, à ne pas douter, vont faire un carton plein. Keane, le carton plein. Avec un extrait de leur album Perfect Symmetry, voici le single The Lover Losing de Rock Express. You have, 'cause you don't like the way they seem to be going. Express. Avec Spiralling dans le Rock Express spécial Rock en scène, on continue la visite de la prog du vendredi avec une jeune chanteuse écossaise qui répond au doux nom d'Amy MacDonald, qui viendra défendre son premier album This Is The Life et son single qu'on écoute tout de suite, This Is The Life. C'est original ça. Ah ben c'est vrai que moi aussi je dois rejoindre des amis au McDonald's quand j'ai fini. Girls with the girls in the hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep? This is the life d'Amy McDonald dans le Rock Express jusqu'à minuit avec une programmation spéciale, Festival Rock en scène. Je suis tellement émotionné que j'en perds mes mots. Avec maintenant un quartet new-yorkais formé en 2006 par des anciens étudiants en musicologie qui ont décidé d'autoproduire leur premier album éponyme et de le diffuser via internet. Et s'en est suivi une reconnaissance quasi immédiate. Ils seront sur la scène le vendredi 28 août pour le Rock en scène et tout de suite sur Radio Zinzine avec Mansard Roof. Voici les Vampire Weekend. I see a mansard roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet, the odd garbage and concrete. Now the tops of buildings, I can see them too. I can't. oui, les Monster Roof de Vampire Weekend avec donc Monster Roof, voilà, comme je viens de le dire. Rock Express, le meilleur du son indé dans une émission spéciale rock en scène qui, comme on le voit, a programmé de nombreux bons groupes de rock, mais fait aussi la part belle à d'autres styles tels que l'électro et le hip-hop. Et pour représenter ce style, on va retrouver Asher Roth sur la scène le vendredi 28 qui viendra défendre sur les planches son premier album A Sleep in the Bread Ale, qui regorge de tubes dont les fameux I Love College et She Don't Wanna Man. Entre le flow à la Eminem et sample de guitare funk, qui va sans doute mettre le feu aux poudres avec l'Adidas. Et chez vous aussi, car c'est ce qu'on envoie tout de suite. Montez le son, c'est parti. Is pivotal, critical condition. My head's in, I'm heading in the wrong direction. Book me a session, let it off my chest. I'll invest in a cannon just so I can blow with my flow as my right hand man. Van Damme, ass kicking with ash spitting. I'm that different, just ask Jigga. He listened and witnessed the birth of a star. Emerging and surging his way up to the top of the charts. Now sing along. When I can't take it, I can't take it no more. This is what I say. Well, you can't take it no more. This is what you say. La da da da da, la da da da da. When I'm trying to come up, they wanna bring me down. When I'm trying to come up, they wanna bring me down. When I'm trying to come up, they wanna bring me down. When I'm trying to come up, they wanna bring me down. When you trying to come up, they wanna bring you down. When you trying to come up, they wanna bring you down. When you trying to come up, they wanna bring you down. When you trying to come up, they wanna bring you. All the kids sing along. When I can't take it, I can't take it no more. This is what I say. La da da da da, la da da da. Well, you can't take it. Well, you can't take it no more. This is what you say. La da da da, la da da da. Rock Express. un mardi sur deux, 22h minuit. Radio Zinzine. Et maintenant, parlons d'un groupe dont Yann, animateur occasionnel de la team Rock Express, affectionne particulièrement. C'est les Yeah Yeah Yeahs, qui seront là aussi le 28 août sur la scène du Rock en Seine. Leur dernier album, It's Bleeds, est pourtant plus électropop que ses prédécesseurs, mais ça a contribué à élargir leur cercle de fans. On lui dédie les deux prochains morceaux de notre programmation, à savoir Heads Will Roll et Zero. Et nous, on se retrouve juste derrière pour la suite. Get Rock Express à la découverte de l'affiche du festival Rock en scène qui aura lieu du 28 au 30 août au Domaine National de Saint-Cloud à Paris, avec à l'instant les Yeyeyes et Zero. Pour conclure cette journée du vendredi 28 qui verra, en plus des groupes dont on parle depuis 22h, les concerts de Vitalik en live, de Just Jack, de Madness, de Gutch, entre autres, on aura le plaisir de voir sur scène les Block Party, groupe anglais qui a délaissé le rock primaire de son premier album qui s'appelait Silent Alarm pour une musique beaucoup plus teintée de rock tendance électro. Leur dernier album Intimacy nous invite à découvrir cette nouvelle facette de ce groupe excellent, et nous, on vous propose de les découvrir ou bien de les redécouvrir avec l'excellent Iron Square. C'est parti. You breathe in harmony. Rock Express, le meilleur du rock indépendant, ensemble jusqu'à minuit dans une spéciale Rock en scène, festival qui se déroulera du 28 au 30 août à Paris au domaine national de Saint-Cloud, et festival qu'on a décidé de couvrir avec toute l'équipe de This is Rock'n'Roll. Et nous voilà arrivés à la programmation du samedi 29, qui à mon avis va être la meilleure journée. Ouais, c'est possible, malgré l'avalanche de décibels du vendredi. On parle d'avalanche, ben eux ils nous parlent d'alpinisme, c'est le nom de leur premier album, un groupe composé de deux sœurs jumelles et d'un garçon qui se sont rencontrés alors que leur groupe respectif assurait la première partie d'Interpol dans leur ville. Ils ont décidé de mettre en talent leur talent en commun et leur envie de nouveauté. En effet, leur processus de composition est basé d'abord sur les paroles et la musique, elle vient seulement en accompagnement. Des voix aériennes, une ambiance éthérée, voici Schools of Seven Bells avec I Am Under No Disguise dans le Rock Express. I'm not afraid to die. le son des Schools of Seven Bells avec Half Asleep a résonné sur Radio Zinzin X Ensemble. Mais non, nous, on n'est pas à moitié endormis comme les sœurs d'Eza le chantent. La preuve, on a poussé les meubles et on enchaîne sur les astéroïdes Galaxy Tour avec leur méga tube Around the Bend. La musique de la pub iPod dans le Rock Express, mais aussi sur scène le 29 août au Rock en scène à Paris. À l'instant, les Astéroïdes Galaxy Tour sur les ondes de Radio Zinzinex. Pour continuer, juste avant la chronique de Claire, dans quelques minutes, on vous rappelle que l'affiche complète est disponible sur www.rockenscène.com avec toutes les news, les tarifs des billets ainsi que les différentes infos pratiques pour vous y rendre. Mais on va continuer l'exploration de cette affiche avec un groupe assez atypique, autant dans le nom que dans la musique, mais c'est vraiment excellent. Il s'appelle Noisette, c'est sympa comme nom, et il évolue dans un style pop-soul fort agréable. Leur premier album, Wild Young Heart, est sorti cette année. Il est vraiment très rafraîchissant. Et lui aussi blindé de tubes en puissance, dont le single Don't Upset the Rhythm. Mais pour aller plus loin, voici Beat of My Heart dans le Rock Express. There's a boy I like south of the river. He doesn't leave his house for me. Radio Zinzinex et le son des Noisettes à l'honneur. C'est vraiment très propre, très soul. C'est vraiment un groupe à suivre de près et ils seront sur scène le 29 août à Paris pour le Festival Rock en Seine, tout comme les Horrors, dont voici qui nous envoie pardon un Do You Remember des familles dans le Rock Express. Ça, tu l'entends seulement sur Radio Zinzine. Ah, j'aime bien Willy! C'est totalement rock'n'roll! We'll be right back. Les Dananana Necroid, non, je n'ai pas bugué, c'est vraiment leur nom, avec Pink Sabbath, ça bouge bien, c'est taillé pour la scène, et vous aurez tout le loisir de les découvrir pour défendre leur album, pardon, Hey Everyone, le 29 août au Rock en Seine, festival qui est à l'honneur ce soir dans le Rock Express. Juste avant de faire le tour des concerts de la région en attendant ce festival, on ne pouvait pas passer à côté des deux têtes d'affiche de ce samedi 29, les Offspring et Face No More, Face No More qui feront une apparition unique en France lors du festival Rock en Seine, donc à surtout ne pas louper. Et voici deux titres de ces monuments du rock des 90s, à savoir Gone Away des Offspring et Gentle Art of Making Enemies des Face No More. Rock Express, l'émission des autoproduits. Ça pulse. Tu conserves avec Claire. Et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle chronique concert. Je vais vous parler tout de suite de ce mercredi 15 juillet où vous aurez à Marseille à la salle Le Baby à 22h un groupe de rock français, c'est Synopsis, dont on va s'écouter un court extrait. Alors Synopsis... mercredi 15 juillet à la salle de vie, seulement 2 euros. Tu blâmes, désormais tu t'en fous, toi. Tu blâmes, je rame. Et tu sais, j'ai du mal. Donc, ils vont sortir justement leur premier album à la rentrée 2009. Donc, justement, à cette occasion pour ce concert, ils vont jouer quelques morceaux qui sortiront donc du premier album. Donc, voilà, Synopsis à la salle Le Baby à 22h pour seulement 2 euros, mercredi 15 juillet. Ce jeudi 16 juillet, vous aurez à la Chapelle des Oblats à Aix-en-Provence à 21h15 pour entre 15 et 22 euros. Un concert organisé par le festival Côté Court. Alors je rappelle que ce festival a été créé pour faire découvrir des voix nouvelles dans des lieux appartements au patrimoine aixois. Donc il y aura justement à cette occasion John Greaves à la Chapelle des Oblats. Cet artiste en fait est présent depuis les années 70 sur la scène rock internationale. John Greaves est en fait un compositeur, pianiste, bassiste. Il fait de la musique aux frontières du rock, jazz, de la chanson, des musiques improvisées et musique électronique. Donc voilà, allez-y à la Chapelle des Oblats ce jeudi 16 juillet à 21h15 à Aix-en-Provence pour 15 voire 22 euros. Vendredi 17 juillet, vous aurez à la salle Le Bicoq à Marseille à 22h pour une entrée libre du rock festif avec Moody But Cozy. Et je vais passer au samedi 18 juillet, où vous aurez par contre cette fois-ci dans une salle qu'on aime beaucoup avec Patrice, c'est au Lunge à Marseille à 21h, Stonewall. C'est un groupe, ils vont faire du rock, du funk et rhythm and blues. Donc allez-y, c'est seulement pour 5 euros le samedi 18 juillet. Vous aurez aussi mardi 21 juillet un concert pour le Festival de Nîmes, donc aux arènes de Nîmes, à partir de 19h. Alors nous, on va s'y rendre avec une très très grande joie avec Patrice. C'est justement le concert avec Franz Ferdinand. Vous aurez The Virgins, Les Ting Tings et The Dodos. Donc voilà, un très très bon concert le 21 juillet aux arènes de Nîmes pour une somme d'environ 40 euros. Voilà, à partir de 19h. Et je passe au samedi 25 juillet, vous aurez cette fois-ci de nouveau à Marseille, toujours dans la salle Le Bicoq, à 22h, pour une entrée libre, les Crétins des Alpes, qui font une musique entre Bobby Lapointe et les Shérifs, donc si vous voulez passer un bon moment, allez-y. Voilà, en plus il y a une entrée libre, le samedi 25 juillet à la salle Le Bicoq. Et je vais finir par toujours ce même soir, vous aurez cette fois-ci à Arles, au Théâtre Antique, à 21h, pour 30 euros, deux très grands artistes, dont Peter Van Paul, qui fait de la pop intimiste, et Peter Doherty, le meneur des Bobby Chambler. Alors, je ne sais plus exactement comment Patrice m'avait dit qu'on pouvait le prononcer. Baby Chambers, voilà. C'est donc un artiste qui est entre le rock, punk, et garage rock, ska, acoustique et jazz. Mais voilà, on va s'écouter un court extrait justement de son projet solo, justement qui vous montre un petit peu mieux ce qu'il fait avec Arcady. One, two, I want to. In Arcadia, life trips along, pure and simple as the shepherd's song. Seraphic pipes along the way in Arcadia, in Arcadia, in Arcadia. Never saw I such a scene of such fair maids upon such remote degree. Where they employ their holiday with dance and game and things I may never name in Arcady. In Arcady, where he said he was your teacher, he taught you true and wise. Well, now you know more than your teacher, see nothing but cool self-regard in your eyes. In Arcady. But you see how twisted it becomes. You see how quickly twisted it becomes. And the catgut binds my ankles to your bedstead. Well, that ain't love. No, that ain't love. You said it was your teacher and he taught you true and wise. And now you know more than your teacher. See nothing but cool self-regard in your eyes. In Arcady, in Arcady. In Arcady, in Arcady, your life trips along. I'm pure and simple as the shepherd's song. A few seraphic pipes along the way. In Arcady, in Arcady, in Arcady, in Arcady, in Arcady. Rock Express, le meilleur du son indépendant, avec la dernière ligne droite de son émission consacrée au rock en scène, avec la découverte de l'affiche du dimanche qui sera plus axée sur l'électro-rock, mais il y aura quand même des petites touches de soul et de désert. Je vous en dis pas plus. Pour la petite touch soul, j'aime bien le prononcer comme ça à l'anglaise. Le concert à ne pas manquer est celui de Macy Gray. Et c'est trop rare de voir cette grande dame sur scène pour pas la louper. Macy Gray, tout le monde la connaît grâce à son single I Try. Voilà, donc on va pas la diffuser, hein, tout le monde la connaît. Et me forcez pas à chanter, sinon demain il va pleuvoir. Et niveau électro-rock, l'affiche est vraiment complète. Et moi, je suis ravi. Car sur scène, ce 30 août, il y aura un groupe que j'affectionne particulièrement, à savoir Metric. Metric nous a livré cette année un album répondant au doux nom de Fantasies, et il s'ouvre sur un titre qui martèle les neurones, qui est hyper efficace et entraînant, qui s'appelle Help I'm Alive, et le reste de l'album est de même facture, comme nous le prouve Twilight Galaxy, que voici tout de suite. Keep doing it wrong. Ça, tu l'entends seulement sur Radio Zinzine. Ah, j'aime bien Willy! C'est totalement rock'n'roll! Stumble. Help I'm Alive de Metric à l'instant dans le Rock Express spécial Rock en scène. On vous propose de détailler l'affiche de ce festival avec les groupes participants, avec notamment la découverte française qui s'appelle Lilywood and the Prick. C'est un duo parisien. Ils ont sorti un EP, donc un extended play de 5 titres qui s'appelle Lilywood and the What. Et ce EP nous laisse vraiment sur notre faim, car il est vraiment trop court, 5 titres comme je l'ai dit. C'est vraiment excellent, et c'est découvrir sur la scène de ce festival le 30 août et tout de suite dans le Rock Express avec Down the Drain. Lilywood and the Prick avec Down the Drain sur les ondes de Radio Zinzinex dans le Rock Express spécial Rock en scène. Alors dans les 10 prochaines minutes, vous retrouverez les Eagles of Death Metal, les Klaxons, mais tout de suite, comme le festival Rock en scène se déroule quand même à la fin de l'été, pour le prolonger un petit peu, voici The MGMT avec Electric Feel. J'ai bien fait de pas faire chanteur moi. God Else Can, titre connu car c'est la musique d'une pub pour sentir bon le fruit dans tes cheveux actuellement. C'était du groupe Les Klaxons et ils seront là le 30 août au Festival Rock en Seine pour nous présenter le successeur de leur premier EP Myths of the Near Future. Et ils seront en compagnie du groupe Eagles of Death Metal. Alors je dis groupe mais en fait c'est un duo rock psyché connu car Mr. Queens of Stone Age et Mr. Chaos, Josh Homme, vient marteler les fûts pour les albums. Tout de suite, voici un extrait de leur album Death by Sexy, les Eagles of Death Metal. I can rise up and dance you, honey, if you want me to. et c'est pas fini. I am so lucky to be playing with this drummer right now. One, two, je l'avais dit. Et là, c'est bien fini. C'était facile de les voir. Ça sera facile, pardon, de les voir. Car ils seront à Paris le 30 août sur la scène du festival Rock en Seine. Les Eagles of Death Metal étaient sur Radio Zinzine avec So Easy et sa petite fantouze à la fin du titre. Mais évidemment, comme nous, on l'a écouté et qu'on la connaissait, bah, ça n'a pas marché. Voilà, on pourra leur dire quand on les verra. Allez, l'émission est pratiquement finie. On espère que vous avez apprécié les groupes dont on a parlé. Ils seront tous sur l'affiche du Rock en Seine. Et d'ailleurs, si vous, je voulais vous rappeler que si vous avez besoin d'infos sur ce festival, vous pouvez aller sur le www.rockenscene.com où il y aura la fiche complète, la possibilité de réserver vos billets ainsi que des infos pratiques pour l'accès et notamment aussi l'hébergement puisqu'il y a un camping, il y a un hôtel, tout ça. Voilà. Moi pour ma part je voulais remercier quand même Nina sans qui Pascal et moi on resterait à la maison hein, espérer voir tous ces groupes. Merci beaucoup à elle pour nous avoir permis ça. Et justement, tu aimes le son qu'on passe, tu aimes le rock, et ben prends ton calepin. Les prochains rendez-vous du rock sur Radio Zinzine, ça sera mardi prochain avec le Rock'n'Roll Circus. Sylvain et toute son équipe vous proposeront un petit voyage dans le rock des années 70 à 90. Ça sera de 20h à 22h mardi prochain. Il y aura aussi Yala, juste après, de 22h à minuit. Yala, c'est l'émission punk de Radio Zinzine, présentée par Eddy. Donc ça va être une bonne soirée, bien rock, bien, on va sortir les épingles à nourrice. Et juste après, donc le jeudi prochain, donc qui arrive, de 20h à 21h, vous aurez le Peuple d'Orion, l'émission animée par mon ami Marc. Le Peuple d'Orion, c'est l'émission spéciale rock français et chanson française, une émission où tu comprends la chanson. Et ça sera suivi de 21h à 23h par This is Rock'n'Roll, l'émission où tu peux ne pas comprendre la chanson car c'est chanté en anglais. Voilà, c'est Pascal, c'est moi-même qui faisons la programmation et l'animation de cette émission. Ça sera donc jeudi, le Peuple d'Orion, 20h, 21h, 21h, 23h, ça sera This is Rock'n'Roll, à ne pas louper. Et pour finir en beauté cette sélection spécial festival Rock en Seine, voici deux groupes qui seront présents pour clôturer le festival. Il s'agit des Allemands de Veto avec le titre Built to Fail et The Prodigy avec Omen. Donc montez le son, ça va faire beaucoup beaucoup de bruit. Nous on se retrouve dans 15 jours sur les ondes de Radio Zinzine et tout l'été à partir de début août on fera des émissions uniquement via internet, via le podcast. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner. Alors la page podcast c'est www.podomatic.com et n'hésitez pas à vous abonner via iTunes ou n'importe quoi. Allez, c'est parti, Veto avec Built to Fail, suivi de Prodigy. Portez-vous bien, sortez couverts. Ciao. I was giving you some kind of a present. I was giving you, though you're more than I deserve. We'll be right back. Thank you. Rock Express. Un mardi sur deux, 22h minuit. Radio Zinzine. Rock Express. L'actu du rock régional.